Troisième chapitre, le départ simulé. C'était une charmante et gracieuse enfant que la jeune héritière de Mézarnoux. En la voyant, on eût cru voir un ange descendu des célestes demeures sur notre pauvre terre, tant l'expression de son regard était divine et séraphique. Non, il n'existait pas à la ronde une plus belle enfant que Marie. Impossible de trouver dans une physionomie des lignes plus expressives et en même temps plus délicates. Sa peau d'une finesse extrême était d'une blancheur incomparable. Ses joues fraîches et vermeilles brillaient de ce vif incarnat de la jeunesse que l'art ne parviendra jamais à rendre qu'imparfaitement. Une fraise ouverte sur le devant laissait apercevoir la beauté de son cou d'albâtre, autour duquel était suspendue une petite croix d'or qui retombait sur une robe de velours noir d'une coupe pleine d'élégance. Quant à son caractère, il était excellent. Du matin au soir, on entendait toujours Marie rire ou chanter. C'est que l'aimable enfant était dans l'âge de la gaieté et de l'innocence et que pas un nuage n'était encore venu obscurcir la sérénité de ses jours. Lorsqu'elle entra avec son beau-père dans la salle, la fontenelle se promenait toujours plein d'agitation, et l'on entendait le bruit de ses éperons résonner sur les dalles de l'appartement. « Bonjour, ma petite cousine Marie » s'écria-t-il aussitôt en courant l'embrasser. « Ah, comme vous êtes grande et embellie depuis 3 ans que je ne vous ai vue. Mais me reconnaissez-vous au moins, et n'avez-vous pas oublié mon nom ?» L'héritière resta quelque temps les yeux baissés sans oser répondre. Elle était toute rouge et déconcertée. Mais bientôt ses beaux yeux brillèrent d'un éclat vraiment céleste et l'expression de ses traits devint si séduisante que la fontenelle demeura immobile et comme frappée d'admiration à la vue de la plus charmante créature qu'il eût jamais encore rencontrée. À peine l'eut-il considéré qu'une pensée diabolique germa dans son cerveau et qu'il forma le projet de l'enlever à ses parents. Il pensa à en faire sa femme, car outre sa grande beauté, elle possédait une fortune de 10 000 livres de rente. Au XVIe siècle, c'était une belle fortune qu'un semblable revenu. « Eh bien, ma gentille Marie, reprit-il avec une douceur hypocrite, vous ne me répondez pas ? Auriez-vous donc peur de votre cousin, et ne vous souvenez-vous plus des ballades et des chansons bretonnes qu'il vous chantait autrefois ?»« Oh non, je ne vous ai pas oublié, mon cousin, » répondit Marie en levant la tête et en regardant timidement la fontenelle. « Merci, Marie, de votre bon souvenir, mais sachez bien aussi que de mon côté, je me suis souvenu de vous. Voilà pourquoi, ayant eu affaire dans la ville du Fou, j'ai profité de cette occasion pour venir jusqu'ici embrasser ma jolie petite cousine. « Et vous avez bien fait, cousin Guéder, » répartit ingénument Marie. « Seulement vous eussiez dû arriver quelques jours plus tôt. Vous eussiez trouvé alors au château ma bonne mère, qui eût été aussi contente que moi de vous revoir. « Soyez sans crainte à ce sujet, Marie. Comme je le disais tout à l'heure à votre père, je reviendrai bientôt, et cette fois je ferai un long séjour à Mézarnoux. Allons à table !» s'écria le maître du manoir quand les valets se furent retirés. La fontenelle s'assit à la place d'honneur près de Marie. À sa droite était monsieur de Mézarnoux, et au bas de la table se tenait la gouvernante de l'héritière, qui paraissait fort effrayée de la présence du capitaine. « Maintenant, dit Mézarnoux, que nous avons suffisamment parlé de nous, permettez-moi, cher cousin, de vous demander des nouvelles de monsieur de Beaumanoir et de sa charmante filleule, mademoiselle de Loquevel. » « Mais tous les deux se portent à merveille, » répondit la fontenelle avec distraction. Pendant que cette question lui était faite, il était occupé à servir la jeune héritière dont il admirait de plus en plus les grâces virginales. Les mets les plus succulents et les plus exquis se succédaient sur la table, et ils étaient si abondants qu'on eût pu croire que ce jour-là, il y avait nombreuses compagnies chez Mézarnoux. Celui-ci, qui était bien le plus honnête gentilhomme des environs, avait pourtant un travers. C'était d'être extrêmement vaniteux. Il aimait l'ostentation, et dans son orgueil, malgré la crainte que lui inspirait son parent, il tenait beaucoup à étaler devant lui sa vaisselle plate et sa riche argenterie. À la vue de toutes ces richesses, L'œil de la fontenelle brillait d'un singulier éclat. Tantôt ses regards se portaient sur les plats et les assiettes d'argent dont la table était couverte. Tantôt il regardait avec avidité cette charmante enfant qui allait bientôt devenir sa proie. Tout à coup, une pensée aussi atroce qu'infernale traversa son esprit. Ses oreilles lui tintèrent et tout son sang bouillonna dans ses veines. Il lui prit envie de s'élancer sur Mézarnoux, de le poignarder, d'appeler ses gens pour commencer le pillage et d'enlever immédiatement l'héritière. Mais il sut se contenir. Il réfléchit que l'instant n'était pas favorable pour opérer ce coup et que d'ailleurs il avait avec lui trop peu de soldats pour lutter contre les serviteurs et les hommes d'armes qui pouvaient se trouver au château. Plus le dîner avançait et plus Mézarnoux, échauffé par le vin, continuait à faire étalage de ses richesses. Il faut le dire, il cherchait par toutes sortes de moyens à être agréable à la fontenelle, auquel il ne cessait d'adresser 1000 remerciements sur sa venue dans ses domaines. Enfin, l'on sortit de table, et le châtelain mena son cousin visiter toutes les dépendances de sa belle propriété. Il lui montra tout, et en vrai propriétaire ne lui fit grâce de rien. Pendant ce temps, Marie était montée à son appartement avec sa gouvernante. Le soir venu, la fontenelle, en se retirant dans sa chambre, remarqua avec joie que celle de l'héritière était toute voisine de la sienne et qu'il serait très facile de pratiquer son enlèvement. Le lendemain, la journée se passa comme celle de la veille. Mézarnoux redoubla de prévenance envers son hôte, lui fit les honneurs de sa maison avec la meilleure grâce et chercha à lui procurer toutes sortes de plaisirs et de distractions. Le jour suivant, dès l'aube, la fontenelle s'étant levée, entra dans la chambre de Mézarnoux et après l'avoir embrassée avec effusion, il lui fit ses adieux. Il partit sans vouloir qu'on réveillât Marie, à laquelle il laissa, comme souvenir, une magnifique bague en diamant. Pendant que Mézarnoux, enchanté d'être débarrassé de son dangereux visiteur, se rendormait mollement en rêvant à sa femme qu'il devait aller chercher à Mézouez, le perfide Guy Hédère arrivait à Plounéventer et rejoignait ses soldats avec lesquels il demeura jusqu'au moment où il acquit la certitude que le châtelain était parti de son manoir. Il choisit donc la nuit pour son expédition et il était minuit quand, à la tête de ses gens, il arriva devant les murs du parc. En cet instant, la pluie tombait avec force et la lune était entièrement voilée sous de sombres nuages, de sorte qu'une profonde obscurité régnait sur toute la campagne d'alentour. On entendait dans la nature que le bruissement du branchage des vieux hêtres agité par la violence du vent. Si la scène eût été plus éclairée et si elle avait eu un observateur, celui-ci aurait pu voir la fontenelle regardant le manoir de Mézarnoux avec un infernal sourire. « Allons, mes enfants » s'écria-t-il en s'adressant à ses soldats. « Il s'agit d'escalader ces murs, de pénétrer dans ce château et d'enlever toutes les richesses qui s'y trouvent. Mais sachez-le bien, qu'ici il n'y ait pas de sang répandu et qu'il ne soit fait aucun mal aux serviteurs. » À peine eut-il donné cet ordre que les murs furent franchis sur le champ et que les 60 soudards, une fois dans l'intérieur du parc, s'acheminèrent vers les pavillons habités par les gardes. Ceux-ci, pleins de sécurité, ayant été surpris endormis, furent bâillonnés et étroitement liés dans leur lit. La fontenelle, après s'être emparée des clés du château, escalada les murailles de la petite cour d'enceinte et pénétra dans la salle basse, où il commença à s'approprier tout ce qui lui tomba sous la main. Il avait eu soin de remarquer où la riche vaisselle était renfermée. Aussi donna-t-il à ce sujet des indications bien précises à ses soldats. Pendant que ceux-ci se répandaient dans les autres appartements du rez-de-chaussée, il se dirigea vers la chambre de Marie, qui n'avait pas encore été éveillée par ce tumulte. Elle dormait, la pauvre enfant, comme on dort à 12 ans. À cet âge, le cœur est si pur et si tranquille que les songes de l'innocence sont presque toujours dorés et merveilleux. Mais Marguerite, sa gouvernante, jeune fille d'environ 20 ans, qui couchait près d'elle, s'était réveillée en sursaut. Et de sa fenêtre, elle avait pu apercevoir plusieurs hommes sautant dans la cour du manoir. À cette vue, un tressaillement convulsif avait agité tout son corps, et saisie d'un effroi mortel, elle s'était sentie sur le point de s'évanouir, mais peu à peu, maîtrisant son émotion, elle n'avait plus songé qu'à la sûreté de sa maîtresse. Aussitôt, elle avait fermé la porte à double tour et s'était empressée de tirer à elle les verrous. Déjà dans son épouvante, elle avait poussé plusieurs cris auxquels personne n'avait répondu. Elle en était là de sa terreur quand soudain elle entendit les pas d'un homme retentir sur les degrés de pierre de l'escalier de la tourelle. À ce moment, l'œil de la fontenelle, placé devant la serrure, considérait avec la plus grande attention ce qui se passait dans la chambre de Marie. Il n'aperçut d'abord que la lampe qui brillait à côté d'un prie-Dieu. Puis, sur ce meuble, il vit la gouvernante à genoux qui invoquait le Seigneur. La figure du capitaine prit alors une expression de surprise et de courroux sinistre. C'est qu'il venait de découvrir que l'héritière n'était pas seule comme il l'avait pensé. Jamais il n'avait soupçonné que Marguerite couchât près de Marie, et il était loin de s'attendre à cet obstacle. Qu'allait-il faire maintenant? La porte était fermée, il ne lui restait que deux choses à essayer. C'était de forcer par la peur la gouvernante à lui ouvrir, ou, si elle refusait, de faire briser cette porte par ses soldats. Il prit sur le champ son parti. « Ouvrez à l'instant ! » s'écria-t-il d'une voix stridente et avec ce ton d'autorité qu'il savait si bien prendre à l'occasion. « Qui est là ? » répondit la voix tremblante de Marguerite. « Mademoiselle Marie dort et personne ne peut entrer chez elle. « Ouvrez-moi, vous dis-je, et si vous n'obéissez pas, Marie est perdue, car le manoir est au pouvoir des brigands. »« Eh bien non, je n'ouvrirai pas !» répliqua Marguerite qui venait de reconnaître la voix de la fontenelle. « Malheureuse ! » s'écria celui-ci avec colère. « Prenez garde à ce que vous allez faire. Je le jure sur l'honneur. Je ne viens ici que pour sauver ma cousine. Ouvrez ou craignez ma vengeance !»